sur la montagne, la vie s'en va sans horizon. Marche forcée, brise cocagne, poignée de fleurs dans les prisons. Pour un demain que tu lui chantes, guide ses pas vers un abri. Pour un amour qui tant le hante, donne un décor, donne un pays. Se pourrait-il un jour, le temps des aubépines méliflues, où vogueraient mille rêves et mille bateaux, se pourrait-il le temps des temps déjà connus, où mendiants et pèlerins allaient au mont Nebo. Mène l'enfant sur la colline, le ciel est bas dans la vallée. Et l'oiseau bleu qu'il imagine est dans un ciel où naît l'été. Pour un demain que tu lui guettes, guide ses pas vers un abri. Au libre droit que tu projettes, donne un décor, donne un pays. Se pourrait-il un jour, le temps des aubépines méliflues, où vogueraient mille rêves et mille bateaux, se pourrait-il le temps des temps déjà connus, où mendiants et pèlerins allaient au mont Nebo. Enfants qui nous reviennent ont droit d'amour, de liberté. La charge est grande, l'auberge pleine, mais le pays n'a pas changé. Ils s'en iront vers d'autres chaînes pour revenir un peu vieillis. Car au beau chant de la sirène, la joie se meurt, la peine revit. Se pourrait-il un jour, le temps des aubépines méliflues, où vogueraient mille rêves et mille bateaux, se pourrait-il le temps des temps déjà connus, où mendiants et pèlerins allaient au mont Nebo.